de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus pour une nouvelle émission d'Autour de vous qui traite de l'actualité locale, des manifestations à venir et des artistes à suivre. Dans notre studio, votre studio, je suis avec Maurice Claudel. Maurice, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Laura, ça va très bien. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Quelques mots, oui, je suis Maurice Claudel, je viens de Cornimont. J'ai un peu sévi comme maire de Cornimont pendant 2 mandats et puis j'ai quitté la mairie pour reprendre la présidence de la Ligue contre le cancer au niveau départemental. Mmh. J'ai fait un mandat de 6 ans. Là, je viens de passer le relais. Je suis toujours vice-président pour accompagner le président. Et en ce moment, on est très, très occupé au mois d'octobre avec Octobre Rose qui va sévir sur la région, qui a commencé même. Alors, depuis quand est-ce qu'il existe le comité dans les Vosges ? Il a fêté ses 50 ans. Ah oui, il y a 3-4 ans maintenant, donc oui, un peu plus de 50 ans. Alors c'est quoi un comité ? Alors le comité, il fallait remonter. La Ligue contre le cancer, c'est la fédération de 103 comités départementaux. Et le comité des Vosges, c'est une association, type loi 1901, avec des bénévoles qui s'engagent pour défendre les malades, aider les malades et lutter contre la maladie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'association du comité des Vosges ? Comme beaucoup de bénévoles, c'est la vie qui m'y a conduit. J'ai perdu ma femme en 2003, le cancer du sein qui a migré sur le foie. Et comme j'ai toujours été de ceux qui se battent contre les injustices, je trouve que la maladie, c'en est une. Mm-hmm. Et donc j'ai décidé de donner un maximum de temps et un peu de ma vie pour me battre contre cette saloperie. Alors j'étais alors maire de Cornimont, donc je ne pouvais pas, c'était un peu compliqué, j'étais bien occupé. Mm-hmm. Mais j'ai donc, à l'issue de mon deuxième mandat, je ne me suis pas représenté pour être disponible pour me battre au sein de la Ligue contre le cancer. C'est un sacré combat à mener parce que... Oui, c'est jamais fini. C'est jamais fini, mais on remporte des batailles quand même. Alors qu'est-ce que vous faites à l'association ? C'est très vaste. On intervient en amont de la maladie, au niveau de la prévention, et on accompagne les malades jusqu'à la guérison. Et donc, c'est un long chemin que l'on fait avec les malades. En plus, on met le paquet au niveau national, même au niveau régional, pour financer la recherche contre le cancer. Et c'est quand même un truc énorme, la recherche. C'est une grosse partie de notre budget. C'est un tiers de notre budget en gros qui va sur le financement de la recherche. Donc la prévention au niveau des enfants déjà, avec la distribution d'agendas scolaires pour les CME, CM2. Ensuite la prévention, par exemple, c'est mon bébé, ça c'est le développement des espaces publics sans tabac, mmh. à la sortie des écoles et dans les aires de jeu. Et ça, c'est un gros truc pour que les parents fassent l'effort de s'abstenir devant les enfants. Mmh. Ensuite, quand malheureusement on est atteint par la maladie, souvent c'est la double peine financière. C'est remboursé à 100%, mais il ne faut pas croire que ça couvre tout, loin de là. Mmh. Et donc là, on a une commission sociale départementale qui examine des dossiers présentés par les assistantes sociales et qui aide les malades pour la partie financière, là. On développe beaucoup les soins de support pour aider les malades justement pendant les soins et après. Mm-hmm. C'est la socio-esthétique auprès des malades dans les hôpitaux d'Épinal, Remiremont, Saint-Dié. C'est le développement d'activités physiques adaptées. C'est les soins psychologiques, comme la sophrologie et d'autres. Mmh. Toutes ces interventions sont financées par la Ligue. C'est gratuit pour le malade. On finance aussi beaucoup de matériel dans les hôpitaux vosgiens, les 6 hôpitaux publics vosgiens. Mmh. Notamment les appareils de détection, de prévention, de détection. Mmh. Et puis c'est prétentieux de dire ça, mais pour le confort des malades, c'est des casques réfrigérés pour éviter que les cheveux tombent, c'est des chevets réfrigérés aussi pour conserver des petites gâteries au coin du lit, c'est parfois financer la télé, c'est des revues, c'est des salons d'accueil pour que les malades le soient dans les meilleures conditions possibles. Tout ça, c'est l'accompagnement des malades. Il y a aussi l'écoute. Mmh. On a des bénévoles qui sont formés à l'écoute des malades et qui tiennent des permanences téléphoniques ou dans différents endroits du département pour accueillir les malades, parce que c'est un cataclysme quand on apprend qu'on a le cancer. Et donc là, souvent, on a besoin de causer, de se renseigner, d'avoir des gens qualifiés qui sont près de vous, ne pas se retrouver tout seul. Mmh. Ça, c'est aussi un gros élément. Et puis, je vous disais, le financement de recherche sur le cancer du sein spécifique pour 4,2 millions d'euros qui sont actuellement en cours au mmh. niveau national. Au niveau départemental, on a affecté l'année dernière, financement de la recherche, 114 000 euros pour des projets de recherche. Et c'est pas choisi comme ça, hein. Il y a tout un processus. Il y a un appel à projet qui est lancé en début d'année. Mmh. Et il y a un comité scientifique qui les examine, qui les classe. Et ensuite, les comités Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, on se réunit, on met ensemble nos petits sous. On dit, voilà, on peut affecter cette année, ça va jusqu'à 2 millions d'euros par an quand même. Hein. Et on choisit dans les projets qui ont été sélectionnés par les scientifiques ce que l'on peut financer. Et tous les ans, on conduit la même opération avec un suivi derrière. Et bien sûr, les chercheurs nous rendent des comptes derrière. Mmh. Donc ça, c'est très important, avec des résultats marquants d'ailleurs. Sur le cancer du sein, bien sûr. On a mis le paquet les années dernières sur le cancer du pancréas, qui est un cancer à pronostic difficile. Mmh. Et puis aussi sur l'aspect psychologique du cancer. Donc c'est vraiment la Ligue contre le cancer, elle œuvre tous azimuts pour éviter la maladie par la prévention, pour être au plus près des malades quand ils sont malheureusement touchés, et pour rechercher le moyen de vaincre la maladie. C'est ce qui nous différencie. On nous redit souvent l'ARC. On parle souvent de l'ARC, qui était une association du même type que nous, mais qui a eu des problèmes de malversation avec un président qui s'en est mis plein les fouilles au siècle dernier quand même, hein, c'était mmh. dans les années 90. L'ARC s'est reconstruit depuis, on travaille bien avec eux, mais ils sont concentrés sur la recherche, le financement de la recherche. La Ligue contre le cancer, elle est de la prévention à la guérison sur tout le parcours, c'est complémentaire. Mmh. D'accord. Donc c'est passionnant parce que bon, on a vraiment l'impression de mettre des petits grains de sable pour construire une montagne qui endiguera la maladie. Mais chaque grain de sable est important. Et quand aujourd'hui on rencontre des malades qu'on a pu aider, qu'on a pu entendre, et qui nous disent grâce à la Ligue, j'ai réussi à passer le cap, c'est vachement important. Alors je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que c'est un cataclysme pour la personne qui découvre qu'elle est atteinte d'un cancer, mais ça l'est aussi pour sa famille. Bien sûr. En ce moment, on travaille beaucoup au niveau des proches, parce que pour le cancer, comme pour bien d'autres maladies, hein, les proches vivent la maladie, mmh. La subissent aussi, hein, et c'est très compliqué à vivre. Ça bloque toute la vie, ça conditionne toute la vie. Et s'il n'y a pas des points d'accrochage, des soutiens psychologiques, physiques, la médecine ne peut pas tout faire. Et le malade, quand il est chez lui tout seul ou avec son mari ou sa compagne ou son compagnon, c'est une vie difficile. Mais j'atténuerai ça parce que ça en prend aussi beaucoup. Mm-hmm. On ne ressort pas de la maladie comme on y est entré. On relativise plein de choses. Je connais des malades qui me disent maintenant j'entends les oiseaux le matin. Avant, c'était dans l'ambiance. Ah oui. Le lever du soleil, c'est formidable. C'est un jour de gagner. La nature est belle, la vie est belle. Mais on ne la regarde plus avec les mêmes yeux. Mm-hmm. Et la maladie, qui est une vraie saloperie, a aussi cet avantage, entre guillemets, ah oui. C'est qu'elle nous fait découvrir la vie autrement. Je connais beaucoup de malades qui ont complètement redéployé leur vie différemment, qui ont changé de métier, qui ont organisé leur vie différemment, en se disant, mais qu'est-ce qui est important dans la vie ? Est-ce que c'est courir après le boulot, le profit, être avec le téléphone et l'ordinateur jusqu'à point d'heure le soir pour les intérêts matériels seulement ? Ou est-ce que c'est vivre avec ses proches, vivre avec ses amis, vivre avec la nature ? et savoir le reconnaître. Donc il y a les deux volets. Hein. Mais c'est vrai que la maladie change complètement les personnes, pas seulement les personnes, tous ceux qui les entourent. Mmh. Est-ce que l'association propose aussi un soutien psychologique pour les familles, par exemple ? Pour les familles, non, on n'a encore pas réussi à aller jusque-là. Bon, il y a des structures qui savent le faire, mais c'est une aide souvent matérielle. Hein. Là, il y a des structures, parce qu'il faut aussi que l'aidant il puisse souffler, que des personnes qualifiées viennent à la maison ou accompagnent le malade dans un lieu différent pour un bol d'air. Mm-hmm. C'est la Ligue, on n'a pas. Vous savez, on est... sur les Vosges, on en parlera peut-être tout à l'heure, on n'est que des bénévoles avec une secrétaire à temps partiel. Et c'est dingue le boulot qui est mis en route. Je vais prendre mon exemple, c'est celui que je connais le mieux. On relève chaque année, pour valoriser le bénévolat, le temps qu'on passe, les kilomètres qu'on fait pour que ça rentre dans le budget. L'année dernière, j'ai passé plus de 600 heures. La Ligue, ça fait 3 mois de temps plein. Ah oui. Et j'ai fait un peu plus de 4000 kilomètres. Et je suis un des membres de la Ligue, de la Ligue Vosges. Elle ne fonctionne, comme la plupart des associations, que par des bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur sommeil, de leur fatigue et de leur argent. Alors justement, combien est-ce qu'il y a de bénévoles et d'adhérents au Comité des Vosges ? Alors on est presque 2500 adhérents au Comité des Vosges. Alors, on devient adhérent quand on est donateur. Hein. D'accord. C'est pas tous des gens qui s'impliquent, mais bon, s'ils s'impliquent comme donateurs, c'est déjà bien. Hein. Mm-hmm. Les bénévoles, c'est, je dirais, 60-70 réguliers, avec des pics comme les foulées roses à Épinal dimanche dernier. C'était 120 bénévoles qui venaient de tous azimuts, d'autres associations, pour accueillir 5300 personnes sur une manifestation. Donc ça varie, mais en gros 70, et on s'est structuré en délégation locale, de façon à être au plus près des malades. Une délégation locale à Neuchâteau, une à Saint-Dié, une à Gérardmer, une à Cornimont que j'anime, une dans la plaine des Vosges, Vittel-Contrex, et puis Épinal, bien sûr. On est 7 délégations, et en ce moment, chaque délégation est très occupée à animer, à coordonner les Octobre Roses. C'est le temps fort. D'accord. Alors, quelles sont les différentes tâches qui sont attribuées aux bénévoles de l'association ? Comme toute association, hein, il y a un président, on est 2 vice-présidents pour délocaliser un peu. On a une secrétaire générale, c'est elle qui fait le plus gros du boulot. D'accord. C'est elle qui coordonne les animations, qui fait les comptes rendus, qui invite pour les assemblées générales, parce que, comme toute association, il y a conseil d'administration, bureau, assemblée générale, toute la structure régulière. Donc les bénévoles sont réunis au sein du conseil d'administration. On est 18, je crois, avec quelques représentants comme le docteur Ruc pour la partie médicale, les représentants des malades, il y a des institutionnels, mais des bénévoles, on a une quinzaine. Et puis, dans les délégations, c'est des groupes de 6 à 15 personnes qui font leur programme en début d'année d'animation, qui vont en formation, comme toutes les associations. Hein. Mmh. Mais alors ça va plus ou moins bien. Il y a des délégations qui pètent le feu, il y en a d'autres qui sont actuellement en grande souffrance. Donc on essaye de retrouver des bénévoles. Mais c'est compliqué parce que les bénévoles, être bénévole avec le contre-cancer, il faut avoir dépassé la phobie du mot cancer. Ça fait peur. Ça fait peur, le cancer, c'est idiot, hein, parce que c'est une maladie comme une autre, mais on se cache un peu les yeux. On en parlera tout à l'heure, mais combien de personnes ne vont pas faire de mammographie parce qu'ils ont peur des résultats ? Oui, c'est vrai. C'est tout bête. Et ben alors qu'au contraire, il vaudrait mieux avoir le résultat à temps. Et là aussi, pour s'engager, c'est généralement des gens qui ont été touchés dans leurs proches ou eux-mêmes qui s'engagent parce qu'ils se disent il faut réagir. Donc c'est compliqué, mais moi je suis toujours admiratif devant ce que ces bénévoles sont capables de faire. Organiser les foulées roses à Épinal comme ce qui s'est passé dimanche. Mais c'est, ça se commence au mois de janvier, hein, pour arriver au mois d'octobre. C'est un budget énorme, aller chercher des sponsors. Et puis c'est coordonner plus de 5000 personnes. Vous vous compte, les problèmes de sécurité, d'intendance, prévoir le ravitaillement pour tout le monde à l'arrivée, la communication, l'information, le bilan derrière, rendre des comptes à tout le monde, parce qu'il y a plein d'institutionnels qui s'y impliquent, hein, la CAF, la Sécu, le centre de dépistage du cancer, toutes les villes, la ville d'Épinal, le conseil général, le conseil départemental. Alors il faut faire amalgamer tout ça pour un résultat qui est formidable. Hein. Mais je ne vous dis pas les heures, les milliers d'heures qui sont impliquées dans cette animation. Tout ça pour, rappelons-le, pour sensibiliser au nécessaire dépistage. Parce que c'est la finalité, bon, l'argent qu'on récolte et qu'on redonne aux malades, c'est bien. Mais la première finalité, c'est le dépistage. Est-ce qu'il faut aussi un certain recul pour être bénévole? Parce que c'est quand même une sacrée responsabilité, entre guillemets, de pouvoir accompagner un malade, tout ça. Il y a tout, hein. Il y a le bénévole qui vient donner un coup de main à la manifestation, qui tient un poste de ravitaillement ou qui oriente les marcheurs. Et puis, il y a le bénévole qui passe le cap supplémentaire pour aller se former et faire de l'écoute. Il y a le bénévole qui fait la comptabilité. Il y a tous les niveaux. Pour être responsable départemental, oui, il faut du recul. On n'est pas président du comité des Vosges comme ça. Jackie, le nouveau président, était trésorier avant, il a fait tout un cheminement. Moi, j'étais président 6 ans. Bon, ça fait 19 ans que je suis au comité, hein, au conseil d'administration. Mais j'étais président au bout d'une douzaine d'années. Il y a tout un cheminement. La vie, elle est faite comme ça. Hein. Un enfant devient adulte qu'après tout un cheminement, là, c'est pareil. Alors, est-ce qu'il y a des bénévoles qui se sont engagés par pure solidarité ou parce qu'ils ont été touchés de près ou de loin par la maladie? Il y a tout ça, je viens de vous le dire. Il y a l'élan de solidarité. Il faut que je participe. Surtout qu'Octobre Rose, en ce moment, c'est quand même c'est une belle étiquette. Quoi. Tout le monde connaît. Et on a envie de participer, ne serait-ce qu'en allant participer à une marche. Mais il y en a qui franchissent le cap. On fait notre marche rose à Saint-Amé dimanche. Et il y a des personnes qui sont venues me trouver en me disant « Vous avez besoin d'un coup de main, je suis disponible. » Et puis il y a celui qui franchit le chemin, l'étape supplémentaire et qui dit « Bon, ben, j'aimerais bien aller plus loin. » Et les motards qui distribuent des roses, c'est pour l'Octobre Rose aussi ou pas? C'est un... Une autre étape, oui, c'est des gens qui veulent participer, donner un coup de main. C'est super ce qu'ils font. C'est ponctuel, mais c'est super. Oui, je trouve aussi. Ça fait partie de la sensibilisation. Ça rappelle qu'on a tous, je disais tout à l'heure, un petit grain de sable à mettre. Et puis c'est sympa, quoi. Hein, ils viennent à votre porte et ils vous proposent une fleur. C'est toujours sympa. Et puis vous donnez vos 2 euros, et puis bah, tout ça, surtout que l'argent de récolté là, va en totalité localement. Hein. La dernière opération des motards a rapporté 7 500 euros. Ouais. Il y a 6 000 euros qui sont allés à l'hôpital de Remiremont pour le confort des malades, pour les équipements. Les équipements, là aussi, le dépistage et le confort, ce qu'on fait globalement, mais eux ont permis de faire plus localement à Remiremont. D'accord. Et puis il y a 1 500 euros qui sont allés à Saint-Dié, parce que Saint-Dié est associé, il y a des motards de Saint-Dié qui viennent, pour financer la socio-esthétique. La socio-esthéticienne qui tous les mardis va auprès des malades pour leur redonner confiance à leur corps. Là, c'est physique, là. Elles les coiffent, elles les maquillent, elles leur font leurs ongles, elles sont à l'écoute. Là aussi, c'est un vrai métier. Hein. Bon, c'est une professionnelle que l'on salarie pour faire ses soins. Et là, l'action des motards a participé au financement. Alors, je voulais vous poser une dernière question avant qu'on se lance pour une première pause musicale. Est-ce qu'il y a un service spécial de cancérologie dans les Vosges? Parce qu'à Nancy, il y a le sens Alexis Vautrin, mais est-ce qu'il y en a aussi dans les Vosges? Oui, tous les hôpitaux publics le font. Hein. Alexis Vautrin est un hôpital qui est privé, hein, mais qui fait un super boulot. Hein. Mais là, vous allez à l'hôpital public, à Remiremont ou Épinal, ils vous orienteront sur l'hôpital spécialisé. Mais par exemple, pour la chimio, vous la ferez à Remiremont, c'est pas la peine d'aller à Nancy. D'accord. Ce sera le même produit adapté. Vous savez, quand un malade est détecté par son médecin traitant souvent, ou après des examens dans les hôpitaux. Quand on a toutes les informations, qu'on a fait toutes les radios, les scanners, les analyses et tout, son cas est examiné par trois spécialistes dans différents domaines, pour la chimio, pour la radiologie, pour le traitement plus chimique. Et ces trois spécialistes travaillent ensemble pour définir le protocole le mieux adapté aux malades. Ils ne sont pas forcément l'un à côté de l'autre, ça se fait souvent en télécommunication. D'ailleurs, la Ligue a financé ce système de liaison entre les meilleurs spécialistes. Mm-hmm. Et ils disent, pour monsieur un tel ou madame un tel, le protocole, ce sera ça. Ce sera chimio pendant 3 mois, telle posologie, tel dosage, telle régularité. Mm-hmm. Après, on repassera les radios. Si ça va bien, on pourra peut-être en rester là, ou il faudra une intervention chirurgicale, ou il y aura la radiothérapie. Mm-hmm. Le protocole est défini, et y a l'égalité de traitement pour les malades. Mm-hmm. Et leur cas est examiné par les personnes de même compétence. D'accord. Et ça, c'est l'hôpital public qui pilote ça. Mm-hmm. L'ICL, qui fait un beau boulot, est relié à tout ça. Hein. Et on n'a plus maintenant le petit professeur machin dans son coin qui dit « Oui, madame, il faut qu'on vous fasse ça, j'ai de l'expérience, rassurez-vous. » Non, c'est fini, c'était payé trop cher, ça. Mm-hmm. Maintenant, il faut des compétences qui examinent la situation particulière de chaque malade. Alors, ce qui est souvent dur, c'est que le malade qui a appris qu'il avait un cancer, il se passe pas mal de temps entre l'annonce et le traitement, et le début du traitement. Parce qu'il faut rassembler toutes ces informations. Mm-hmm. Et pour ne pas partir sur une voie de garage ou pour ne pas se tromper. Et il faut que toutes les informations soient rassemblées et que cette réflexion, parce que chaque cancer est différent, chaque maladie est différent, mm-hmm. soit faite et approfondie avant de déterminer le traitement. Alors, ce qu'il faut dire aux malades, c'est que c'est toujours trop long, mais c'est pas du temps perdu. Et ils seront mieux soignés après. Alors, nous allons faire une première pause musicale avant de vous expliquer ce qu'est le cancer. Et nous parlerons aussi de l'importance du dépistage, surtout. Alors, à tout de suite sur Radio Guémozo. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut 2 noirs pour 1 blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour 2 sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily, Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Nous voici de retour avec Maurice sur les ondes de RGM. Alors la Ligue contre le cancer est une association qui est très ancienne. Savez-vous quand elle a été créée, Maurice ? 1918 ou 19. Le 14 mars 1918. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous connaissez un peu son histoire ou pas ? Ben, elle a été créée après la Première Guerre mondiale. Hein. C'était compliqué, la société n'avait pas les moyens de lutter contre la maladie qui est très ancienne, hein, le cancer il est vieux comme l'histoire, hein. Pour la première fois le professeur qui a mis ça en route à une petite échelle Le besoin était réel, puisque ça a grandi très rapidement. Hein. Mmh. Et c'est un comité, puis deux, puis trois, et maintenant le territoire est complètement couru. On dit 103 comités, mais il y a un 104e qui vient d'être créé à Terre-Neuve. Mmh. Ouais, même là-haut, c'est structuré. Donc, je me souviens... quand j'étais président, on se rencontrait régulièrement sur Paris et il y avait des présidents de comité qui venaient de Nouvelle-Calédonie, de Guadeloupe, Martinique et autres. Ils abordaient ça différemment, mais le problème est le même, bien sûr. Alors quand j'ai fait mes recherches, je ne pensais pas qu'elle existait depuis aussi longtemps, l'association, ça m'a surpris. Ouais. Et oui, on a fait le centenaire il y a très peu de temps. Alors, je voulais informer nos auditeurs concernant le cancer, parce qu'il y en a beaucoup. Ils sont divisés en deux parties. Alors, il y a les par type cellulaire, comme les carcinomes, par exemple le cancer de la peau, les sarcomes, le cancer des os, et les cancers, très dur à dire celui-là, et hématopoïétiques, c'est les cancers des cellules sanguines. Il y a aussi par les organes, hein, comme son nom l'indique, peut toucher n'importe quel organe vital, les seins, la prostate, les reins, le pancréas, le cerveau, etc. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du sein. Est-ce que le cancer du sein ne touche que les femmes ? Non. Non, il y a, je crois, c'est 1% de cancer du sein masculin. Bon, c'est peu de monde, mais je connais une personne qui l'a eu, et croyez-moi, c'est pas drôle. En plus, quand il va voir ses copains et qu'il leur dit « j'ai le cancer du sein », il se fait regarder de travers. Hein. mais c'est la même problématique. Hein. Alors, je voulais donner quelques chiffres. Alors, une femme sur 8 est touchée par un cancer du sein, et c'est vraiment énorme. Les femmes entre 50 et 74 ans y sont le plus exposées. S'il est détecté tôt, il peut être guéri 9 fois sur 10. Est-ce que ça peut toucher aussi des jeunes filles, Maurice ? Oui, il y en a. Il y a malheureusement beaucoup, mais beaucoup moins détectées, déjà parce que la mammographie, elle est proposée systématiquement de 50 à 74 ans tous les deux ans. Mm-hmm. Chez la jeune femme, si ce n'est pas son médecin traitant qui a l'intuition de lui faire passer, ou si c'est pas la dame elle-même qui, dans sa salle de bain, en autopalpation, s'aperçoit qu'il y a une petite boule anormale ou une tension des tissus anormale, souvent c'est plus grave parce que c'est détecté plus tard. D'accord. Alors je suis une jeune femme sur les réseaux sociaux qui s'appelle Victorine. Elle n'a pas eu de chance dans sa vie parce qu'elle a eu un cancer de l'utérus avant ses 30 ans, donc elle a dû se le faire enlever. Et à ses 30 ans, elle a eu un cancer du sein. Mmh. Donc, via les réseaux sociaux, elle nous a fait vivre son quotidien. Elle nous a dit les symptômes post-chimio, c'est-à-dire la fatigue, les picotements, tout ça. Et aujourd'hui, elle va mieux, elle est en rémission. Et elle a défilé à Paris pour l'Octobre Rose. Alors, selon les chiffres issus d'études internationales, les programmes de dépistage du cancer du sein permettent de réduire de 15 à 21% la mortalité pour le cancer du sein. Ainsi, grâce au dépistage de 100 à 300 décès par cancer du sein sont évités pour 100 000 femmes participant de manière régulière au dépistage pendant 7 à 10 ans. Eh oui, c'est tout bête. Hein. J'élargis un peu. On considère que 40% des cancers sont évitables. Évitable, ça veut dire avoir une activité physique régulière, ne pas être sédentaire, mm-hmm. Manger normalement, hein, la bonne bouffe, ne pas fumer, ne pas fumer du tout, mm-hmm. Boire un petit canon de temps en temps, c'est pas grave, mais pas s'enivrer. Et si on a ce régime-là, on a 40% de chance, de plus de chance de ne pas être atteint. Et c'est incroyable parce qu'on se donne un mal fou, on dépense plein d'argent pour soigner la maladie, pour trouver le petit remède qui ajouté mm-hmm. à d'autres ou par la jonction de deux remèdes permettront de guérir ou de soulager. Et à côté de ça, on pourrait éviter 40% des cancers en ayant une vie un peu plus simplifiée. C'est quand même... c'est là qu'on pourra le plus de progrès avec ça et avec le dépistage, puisque le cancer du sein, c'est vraiment sûr, hein, mm-hmm. Pris précocement, on le guérit, on sait le guérir et durablement et sans conséquence. Je pense que on est bien dans l'octobre rose pour dire et répéter, et c'est le but de toutes les manifestations qu'on fait, aux dames qui reçoivent une convocation du centre de dépistage du cancer du sein, allez-y, c'est pas une affaire, c'est pas très agréable une mammographie, c'est sûr. Mm-hmm. Ben, personnellement, j'en ai pas subi, mais c'est pas dramatique, c'est gratuite et ça sauve des vies, ça évite beaucoup de souffrances. Donc c'est une petite démarche à faire qui peut sauver vie. Idem pour le cancer colorectal d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. On développe Mars Bleu, c'est plus compliqué. Hein. Moi, j'ai dans mes proches à l'esprit plusieurs personnes à qui parce qu'ils ont fait l'hémoculte, on leur a dit vous avez du sang dans les selles, allez voir plus loin, et pour qui on a détecté cancer du côlon, mm-hmm. et qui aujourd'hui se portent comme des charmes. Le chirurgien a enlevé une petite partie du côlon, il y a eu un petit traitement derrière, et puis 6 mois après, il n'y a plus de problème. Tout simplement parce qu'ils ont fait du dépistage. Franchement, il faut mettre le paquet, répéter, et ça marche. Ça marche quand même, parce que Octobre Rose, toutes les manifestations qu'on fait, sur les Vosges, on était à 44-45% de participation à la mammographie, pour faire simple. Hein. Mm-hmm. On a lancé, il y a 6-7 ans, les foulées roses, les marches roses, on a fait un gros tapage sur les Vosges qui a bien marché. On est monté de 10 points. La participation a été de plus de 50%. Le Covid a fait redescendre à 53%. Mais je pense qu'on va remonter très vite. Les Vosgiens, les Vosgiennes sont sensibles à ce discours. Il y a encore du chemin à faire. L'idéal, ce serait d'arriver à 70%. Pour vraiment être efficace. Mais quand même, ça marche, continuons à mettre le paquet là-dessus. Et on ne connaît pas les gens à qui on a sauvé la vie, mais tout ce bénévolat, toute cette énergie n'est pas perdue, loin de là. D'accord. Alors, je voulais juste revenir sur les différents traitements pour le cancer du sein. Vous en parliez juste avant la première pause musicale. C'est la radiothérapie et la chimiothérapie. Alors la radiothérapie, comment ça se passe? Avant de commencer le traitement par radiothérapie externe, des petites marques ressemblant à des tatouages sont faites sur la peau du sein malade. Elles permettent de diriger les rayons toujours au bon endroit à chacune des séances. Alors le programme des séances est établi à l'avance, comme vous le disiez. Le plus souvent, une séance par jour, 5 jours par semaine durant 3 à 6 semaines. Chaque séance ne dure en général que quelques minutes et la personne peut retourner à son domicile après la séance. Alors la chimiothérapie, c'est un traitement à base de médicaments. On parle aussi de traitement médical. Les médicaments de chimiothérapie agissent sur les mécanismes de la division cellulaire. Les médicaments de chimiothérapie sont administrés le plus souvent par perfusion ou par voie orale sous forme de comprimés. Alors à la fin du ou des traitements, si l'état de santé de la patiente s'améliore et qu'elle n'a plus aucun signe de la maladie, on peut alors parler de rémission. Il existe malheureusement un risque de récidive, alors s'il n'y en a aucune, on peut alors parler de guérison, patiente 1, cancer 0. Après avoir parlé de ce qui se passe après la découverte d'un cancer du sein, je vous propose de parler de ce qui peut prévenir de l'apparition d'un cancer du sein, le dépistage. Alors ça se passe comment un dépistage ? Je voudrais compléter les traitements, parce qu'il y a la chirurgie aussi. Ah oui, la chirurgie, l'ablation du sein, par exemple. L'ablation du sein, hein, qui est pratiquée, et qui est pratiquée dans de bien meilleures conditions que précédemment. On arrive aujourd'hui à reconstituer, après l'ablation, après un temps de traitement, on arrive à reconstituer le sein quasiment identique. Et ça, c'est important aussi pour la psychologie, la conscience de soi de la femme. Mm-hmm. Et c'est pratiqué, c'est proposé par l'oncologue, mm-hmm. et c'est une décision de la malade, hein. Mais ça fonctionne. Mm-hmm. Si la malade veut vraiment enlever tout risque de reprise, de récidive, elle peut demander l'ablation du sein. Et ça se pratique dans de bonnes conditions maintenant. Mm-hmm. Pareil pour la radiothérapie. On a malheureusement vécu des moments difficiles avec le problème des irradiations à l'hôpital d'Épinal il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est vraiment très encadré et on peut y aller en confiance. Alors, j'ai juste oublié d'ajouter, quand je décrivais les différents cancers, qu'il existe aussi des cancers génétiques. Parce que je parlais justement avant d'une jeune femme qui a eu un cancer du sein. En fait, sa tante a eu un cancer du sein et le personnel soignant a demandé aux membres de sa famille s'ils étaient peut-être porteurs du gène. Alors apparemment, ça venait de son papa, je crois, qui était porteur du gène, mais elle l'a eu, mais pas ses sœurs. Oui, on peut détecter, il suffit de se rapprocher de son médecin traitant qui vous orientera. Si vous avez dans la famille plusieurs personnes qui sont touchées par le cancer du sein, oui, on détecte. C'est un peu compliqué, hein, parce qu'il y a toute une enquête presque généalogique pour voir le degré de risque. Et ensuite, il y a des analyses. Et bon, ça ne guérit pas, mm-hmm. mais ça permet d'être plus vigilant, de faire des mammographies plus fréquentes notamment, et plus jeunes. Ça aussi, ça fait partie de la prévention, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que c'est payant, le dépistage du cancer du sein, Maurice ? Non. Non, c'est totalement gratuite. Et à souligner aussi que le cancer fait partie des maladies reconnues par la Sécurité sociale comme maladie grave, reconnue, remboursée à 100%. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où... Bon, le dépistage est gratuit totalement. Hein. Et puis, si malheureusement il est détecté une infection, vous rentrez dans une reconnaissance de la maladie et donc la prise en charge à 100% des traitements. Est-ce que vous savez pourquoi les femmes entre 50 et 74 ans sont plus exposées à développer un cancer du sein par rapport à une femme plus jeune ou plus âgée ? Je ne suis pas le plus compétent, mais c'est un problème hormonal. Alors, un dépistage, ça se fait tous les combien de temps ? Tous les 2 ans. Et vous êtes automatiquement, vous recevez un courrier, hein, mm-hmm. vous invitant à vous rendre avec ce document, alors prendre rendez-vous déjà, mm-hmm. pour une mammographie. Et c'est suivi jusqu'à 74 ans. Ça peut être prolongé là aussi, hein, si la personne a des doutes, le médecin traitant peut prescrire une mammographie sans problème, avant et après cette période d'âge. D'accord. Nous allons faire 2 pauses musicales avant de parler d'un événement qui se déroulera le 9 octobre à Saint-Amé. On vous laisse donc avec Indochine et John Lennon et on se retrouvera juste après sur RGM. Ça Yeah. Nous revoilà avec Maurice sur les ondes de RGM via le 107 ou par Orange Radio et Radio Line. Vous pouvez également être avec nous via la plateforme Deezer. Alors c'est quoi l'Octobre Rose, Maurice ? L'Octobre Rose, c'est un truc de marketing, hein, pour que ça parle dans la tête des gens. Octobre, rose, ça suit automatiquement maintenant. Rose, c'est aussi la couleur, c'est une couleur féminine. Hein. Mm-hmm. Dans le temps, les garçons étaient bleus, les filles étaient roses à la naissance. Hein. Et puis, on a appelé marche rose, on appelle tout rose pour que ça concerne bien le dépistage du cancer du sein. Je ne saurais pas vous dire précisément l'origine, mais je trouve que du point de vue marketing, c'est réussi parce que maintenant tout le monde connaît Octobre Rose. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 9 octobre ? Alors, c'est pas que le 9 octobre. Hein. Bon, le 9 octobre, c'est Saint-Amé, mais il y en a bien d'autres. Hein. On pourra aller en lister quelques-unes tout à l'heure. Mm-hmm. Sur le département, il y a une carte qui a été établie. Je crois qu'il y a une trentaine d'animations dans le mois d'octobre, sur tout le département. C'est énorme. Hein. Raoulette, Tapon, Yamoutier, Denis, Père, Saint-Diétain, Trubruyère, Ranou, Gérard, Saint-Amé, Bussan, Le Tillot, Remiremont, Val d'Ajol. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Ça bouge partout. Ça bouge partout, à l'initiative de la Ligue contre le cancer, qui a sa manifestation phare avec les foulées, les délégations, mais de plus en plus d'associations, de municipalités qui décorent la ville. Il y a tas d'initiatives vraiment marrantes. Je suis passé à Courcieux l'autre jour, ils ont suspendu des soutiens-gorge à l'arbre devant la mairie, et puis ils ont les faisceaux roses la nuit dessus. Il y a plein d'initiatives comme ça. Alors pour revenir au 9 octobre, eh bien c'est Saint-Amé, là, c'est à l'initiative de la délégation de la Ligue de Cornimont, hein, qui déborde largement Cornimont, hein, qui est intercommunale. Et ce sera une marche rose. Alors, à l'initiative de la délégation, oui et non, parce que si on est Saint-Amé, ce n'est pas par hasard. Mm-hmm. C'est l'association des infirmières Azalé. Alors, Azalé, ça veut dire Action de Santé Libérale en Équipe. C'est des infirmières qui se regroupent pour aller au-delà des soins classiques, mais pour aider les malades à être bien dans leur tête et dans leur corps. Elles nous ont proposé de venir faire la marche rose à Saint-Amé et de prendre en charge tout le volet dépistage. Et ça, c'est formidable. Elles se sont formées pour ça avec un docteur. Elles ont préparé leur coup pour pouvoir dialoguer avec toutes les dames qui vont venir à la marche. Elles leur expliquaient tout l'intérêt du dépistage, comment faire l'autopalpation elles-mêmes. Il y a des séances d'explication. Et ça, c'est formidable. Alors, on a aussi le centre de dépistage du cancer qui se déplace sur les marches roses. C'est des personnels qualifiés pour sensibiliser. Mais là, c'est vraiment une nouveauté. Donc, on a répondu à leur demande en disant « Ok, on va à Saint-Amé, on va faire un super truc. » Et ça va être un super truc. C'est une marche. Hein. On invite les gens à marcher. D'abord, c'est bon pour leur santé. C'est sympa, c'est convivial. On a une association de Saint-Amé qui organise les circuits, qui les balise. Il y aura trois circuits, un de 3 km 600 qui est accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Mm-hmm. C'est un peu un petit tour en centre-ville, c'est pas compliqué. Un de 5,2 km qui est un petit peu plus compliqué, pas compliqué, mais un petit peu plus long. Il va faire un petit tour en forêt. Et un de 9,7 km pour les marcheurs là, qui vont aller sur les carrières au-dessus de Saint-Amé. Et donc le départ est libre. Chacun vient à l'heure qu'il veut, à condition que ce soit entre 8h30 et 14h. Mm-hmm. Parce qu'après, il faut débaliser et on veut pas que les gens soient obligés de marcher la nuit. Et on part seul ou en groupe sur l'un des itinéraires choisis. Le rendez-vous, c'est salle des Kyriolets, bien connue à Saint-Amé. C'est au 21A Grande Rue. Et donc, on vous enregistre. Vous payez. Il y a une petite participation de 3 euros. Et 10 euros si vous souhaitez avoir un des articles Octobre Rose, un t-shirt, un foulard, une serviette, il y a des soquettes roses aussi. Donc, si vous donnez 10 euros, vous avez le droit de participer plus un objet, 3 euros, ben vous faites le circuit. Il y a un stand de documentation. Mm-hmm. Il y a donc tout un lieu réservé aux infirmières avec qui vous allez vous entretenir. Elles vont vous donner des bons conseils. Vous pouvez aussi vous restaurer la midi. C'est l'auberge de Saint-Amé qui est juste à côté, au 29 Grande Rue, qui vous propose un menu à 17 euros. Qui est super, hein, avec plusieurs choix. J'ai même le détail du menu, si vous le souhaitez. Et 2 euros seront restournés à la Ligue sur chaque repas, mm-hmm. également, donc, pour financer toutes les actions de la Ligue. Voilà, on attend au moins 1000 personnes. Hein, c'est un gros truc, quand même. Il va faire beau. Donc, venez nombreux, en famille, hein, en famille, avec des copains, avec des collègues. C'est vaste, hein, on peut mettre plein de monde autour de Saint-Amé. Et je crois que ça va être très sympa dans une ambiance très conviviale. Alors, autour de Remiremont, il y a également le tennis club qui organise sa deuxième édition de Marche Rose. Ça va être le 15 octobre, là. Mm-hmm. Deux parcours, un de 5 km, un de 8 km. Inscription à partir de 14h, c'est donc l'après-midi. Hein. Depuis le tennis des Louveaux, route de Sainte-Anne à Saint-Nabor. Mm-hmm. Et il y a, à côté de ça, initiation pratique au tennis. Il y a une tombola. D'accord. Donc, c'est super. Là, c'est une initiative d'une association, là. Alors, l'inscription, c'est 10 euros avec remise au choix d'un t-shirt, d'un foulard, des sockets. C'est le même principe. Et puis, il y a aussi Octobre Rose avec le Judo Club de Remiremont, le dimanche 23 octobre. Séance sportive de plein air, accessible à tous, sportifs ou non, hommes et femmes, enfants sans limite d'âge, avec renforcement musculaire et entretien cardio-respiratoire. Alors ça se passe au plan d'eau de Remiremont, à partir de 10h du matin, le dimanche 23 octobre. Inscription sur place, là c'est 2 euros ou 10 euros avec t-shirt, rose, paire de chaussettes, etc. Donc vous voyez, les initiatives se multiplient. Il y a aussi des Zumba. Des Zumba Roses, ça, c'est encore, ça se développe pas mal aussi. Sur Saulsure, c'est la municipalité de Saulsure qui fait ça le 15 octobre, de 18h30 à 20h30. Et puis à Ferdru, c'est une association de gymnastique qui fait ça le 22 octobre. C'est le vendredi soir. Oui, c'est le vendredi soir. De 20h30 à 22h30 à la mairie. Et puis plein. Alors, si on est dans la vallée de la Haute-Moselle, il y a la marche à Bussan, au centre Azureva, marche rose. Pareil, à la même condition, même tarif, avec une tombola, avec plein d'autres animations. Ça se passe le 16 octobre, le dimanche 16 octobre, c'est toute la journée. Donc vous montez au centre Azureva et la spécificité, c'est que la marche, elle se passe presque tout en forêt. C'est très sympa, on a une légère montée et ensuite on est sur le plateau. C'est très agréable. Et puis la dernière dans le coin, c'est le dimanche 23 octobre au CIO. C'est le club d'athlétisme qui fait sa traditionnelle marche autour de l'étang de Chaume. Donc on fait des tours d'étang selon sa forme, selon sa volonté. Alors là, c'est départ groupé et c'est très convivial. Il y a une base de départ, il y a projection de poussière de couleur rose, de toutes les couleurs, pour se rassurer, ça va bien, hein, c'est de la fumée, de la fumée colorée. Chacun se trouve un peu barbouillé, c'est rigolo. Et c'est très familial, là. Il y a beaucoup d'enfants, de gamins qui viennent. Donc chacun y va selon comme il le sent, comme il veut le faire. Et tout ça fait un Octobre Rose super dynamique. Je crois que sur les vallées de la Moselotte, et de la Moselle, il va se passer plein de choses. J'oubliais Gérardmer le dimanche 16. Alors là, c'est en centre-ville. Le centre-ville est bouclé, est fermé. Et il va se passer plein de choses, tout ça en rose, avec la délégation de la Ligue contre le cancer de Gérardmer. J'espère que je n'en loupe pas, parce qu'il se passe tellement de choses dans les 15 jours qui viennent dans nos vallées. Vraiment, c'est formidable. Tout ça pour inciter au dépistage du cancer du sein. Et accessoirement apporter un peu de sous qu'on redonnera aux malades et à la recherche immédiatement. D'accord. Est-ce que vous avez des autres projets après la marche d'Octobre Rose? Bon, on va souffler un peu, hein, parce que c'est, c'est pas mal. Hein. Non, sur l'automne, il y a la foulée des barbus à Épinal. Mm-hmm. Là, c'est pour les cancers masculins. D'accord. Essentiellement, cancer de la prostate. Mm-hmm. Ça se passe au château, au parc du château à Épinal. Mm-hmm. Là aussi, il y a plus de 1000 personnes, c'est une marche. Alors là, on a des t-shirts verts. D'accord. Pour distinguer. Et c'est plus sportif, là. Hein. Mm-hmm. D'accord. Mais ça, c'est le premier dimanche de novembre, le 8 ou 9 novembre, après la Toussaint. Mm-hmm. Et après, je crois qu'on va souffler un peu et on va s'occuper de Noël. Mm-hmm. Ah, c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation, tout ça. Oui, oui, oui. Et puis après, bon, on a un gros travail administratif, hein, parce qu'on est une association qui est très contrôlée. Hein. Mm-hmm. Chaque centime qu'on récupère est très vérifié. Il y a la Cour des comptes, nous on a un expert comptable qui nous suit tout ça. Il faut vraiment savoir que l'argent qu'on récolte là, on en fait le meilleur usage et surtout c'est très vérifié, on met un point d'honneur à ça. Donc on a beaucoup de travail réglementaire administratif avant de préparer le programme de 2023, l'Assemblée Générale, et de repartir pour un tour. Mais moi je suis admiratif sur l'association Ligue contre le cancer. C'est une machine énorme, mais qui est hyper, hyper sérieuse. Franchement, il n'y a pas un centime qui se perd. Il y a des frais, bien sûr, mm-hmm. hein, il y a du personnel à rémunérer, il y a des charges, mais tout ce qui peut partir aux malades et pour se battre contre la maladie, y va, et ça, c'est formidable. Alors, cette émission est maintenant terminée. Maurice, merci d'avoir été avec nous. Mais c'est avec plaisir que j'ai répondu à votre sourire, Laura. Alors, j'espère que de nombreuses personnes viendront participer à la Marche Rose à Saint-Amé le dimanche 9 octobre et aux suivantes aussi, un peu partout dans les Vosges, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde!